cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله فقال له المنصوح أي celui qui est conseillé après avoir écouté le conseil de ce musulman qui lui veut le khayr et un nasih comme a taqaddam ma'na dans le dars précédent il lui a montré anna hadhihi al-hadara cette soi-disant modernité cette société qui est fondée sur les droits ila akhira en occident c'est du kadib yubghidhuna al-islam et ils pensent qu'à leur shahawat iyadan billah et un nasih Il a démontré, walillahi alhamd, anna ni'mat al-islam wa ni'mat al-din, on doit la préserver. On a délaissé cette ni'mat pour suivre al-kafara, pour profiter de certains biens, pour profiter de leurs droits. Et c'est fondé sur le kadhib wa zour kathiran. Tout ça, yadam billah, c'est pas mina tawfir. Et kadhalik, al-nasih, il avait démontré anna mahma ce musulman il fera il délaissera son dîme pour se rapprocher pour que les kuffar il l'élève ils se serviront de lui un esclave pour eux et quand ils n'ont plus besoin de lui l'insan il fait attention al kafir c'est un va'if il peut rien t'enlever il peut rien te donner n'oublie pas rabbul alamin c'est lui qui donne Allah subhanahu wa ta'ala أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله سبحانه وتعالى il a préparé à ses عباد qui lui obéissent qui détestent هؤلاء الكفرة qui aiment les musulmans qui font des efforts dans leur dîn في التوحيد في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر il aura préparé الجنة ce qu'aucun œil n'a vu ce qu'aucune oreille n'a entendu ce qu'aucun cœur n'a imaginé كيف دلسي هذا pour متاع قليل كما تقدم معنا قل متاع الدنيا قليل c'est quelque chose de très peu comme c'est à ish combien tu vas profiter 10, 20, 30, 50 ans 60 ans 100 ans maximum الانسان après يندم هذه الدنيا الحقيقة après la mort ça sera comme un rêve ou un cauchemar que tu as vécu enfin, c'est pour ça que Al-Kafara, Yom Al-Qiyama, ils prétendront qu'ils sont restés que ça, qu'un court moment fait de dunya. Mathalan, antal an, si tu penses à tout ce que tu as profité via hadith dunya, certains parmi les frères, ils ont la vingtaine, certains la trentaine. Mathalan, si on parle des dix dernières années, là, je sais que tu as profité de certaines choses, il a akhiré. Al-an, rappelle-toi, c'est comme si c'était un rêve. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce que dunya après la mort? Tout ce qui sera passé, c'est passé. Amma, ce qui reste, c'est le Jannah. Enfin, non, il a incité sur ce point pour lui montrer Ihdar. Ihdar, anna ha'oula, ils ne veulent pas notre bien. Abadan. Thumma qala lah. Ay, al-mansouh. Fa qala lahu al-mansouh. Ay, celui qui est conseillé après avoir écouté la nasiha. Mada qala? Qala laqad sadaqta fima qult. Il a accepté. Laqad sadaqta. Ay, tu as dit vrai. Ça montre un celui qui est touché par une shubha, même si c'est iyadan billah du kufr, il ne faut pas qu'on désespère. L'anna peut-être que le khayr qu'il a connu avant, il suffit d'un déclic, quelque chose pour que ça revienne. Et nous, on ne peut rien faire illa deux choses. Ad-du'a ou an-nasiha. Amma ce cœur, il est bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman. Yuqallibuha kayfa yashu. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Amma nahnu, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, deux choses. Si tu connais un frère, un ami, un proche qui est égaré ou qui s'est égaré, ne l'oublie pas, fait du'a. Si tu veux son bien. Amma polémiquer, amma vouloir lui montrer de force le mauvais comportement, il n'y a aucune utilité. Tout ça dépend de la personne. S'il fait du mal à l'islam, il fait du mal à l'islam, il a arrêté, il a hajri, tout ma'rouf. Lakin, on reste nahnou vaste. Si on connaît wahed ka hadal mansouh, on ne l'oublie pas, fit du'a. كذلك la deuxième chose النصيحة le conseil بالتي هي أحسن ça peut être directement bien sûr si ça implique pas un mal et si une maslaha أما si l'insan n'a pas d'ilm fala et si l'insan il a peur pour son nafs fala si l'insan il a peur des choubah fala المهم il y a des conditions parmi les principales conditions العلم celui qui a l'ilm alhamdulillah il peut parler كذلك ça peut être par l'envoi d'un courrier si l'insan il a peur à la nafsi ou il a peur des choubah ben, tu lui résumes لأن, si c'est en face ربما il va citer une chose tu ne peux pas répondre enfin, si tu as peur à la ton nafs résume-lui والله, à notre époque il y a les téléphones tu peux envoyer un message tu peux envoyer un audio résumé peut-être que ça va être une cause كذلك ça peut être avec un cadeau un livre un audio une risala مهم, quelque chose qui lui montre le haq هذا اسم باب النصيحة إن نصيحة تنفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين خاصة si ça reste un مؤمن فتنفع et بعض الكفار كذلك بعض الكفار ils ont été guidés بإذن الله عز وجل et la cause était une نصيحة فعلى كل حال on désespère pas فتأمل هذا قال لقد صدقت فيما قلت لكن si on se pose la question c'est quoi les causes qui l'ont poussé à accepter C'est tout ce qu'on a lu précédemment, le bon comportement. L'ilm. Vous avez remarqué que le kalam, il est mukhtasar. Amma al-ba'd, ils font des nasa'ih et c'est long. Ma tadri, il veut en venir où ? Et al-mansouh, celui qui écoute la nasi'ha, rubbama, il n'est pas prêt. Et il n'y a pas le fruit espéré. La nasi'ha mukhtasar. Tu veux lui montrer que cette chose est grave, cette chose est haram en une ligne. La tukthiru al-kalam fil nasi'ha. Et kadhalik, pas tout le temps. Tous les jours. Hatta sayamal. Il donnera plus de valeur à ce kalam. Là. Enfin, nasiha, il faut choisir le moment opportun. Et, mukhtasara. Et ilmiya. Et kadhalik, elle est adaptée à hadal insan kama taqadna. Enfin, si c'est un croyant, enfin, avec des versets du Coran, avec des hadiths du Prophète sallam, si c'est pas un croyant, enfin, avec un kalam munasib qui comprend. Vu que hadal rajul, c'était un croyant. Et il a dévié Yadam Billah, et il l'a conseillé par rapport à ce qu'il savait avec l'islam. Il a arrêté les annaou, il avait ses bases à l'époque. Tout ça avec le bon comportement, Inch'Allah, yanfa'. Et même si on qadra anna al-mansouh, il n'accepte pas les annaou, ba'd annas, c'est des mujrimin. Même si tu lui fais le nasiha comme il faut, même si c'est résumé, même si c'est avec un bon comportement, il refuse. Abu Talib. L'oncle du prophète sallam, il a refusé. Ya'am, qul la ilaha illallah. Il n'a pas accepté. Pourtant, celui qui a fait le nasiha, c'est Afdal al-Bashar, alayhi salatu wassalam. Ça nous montre que al-Ba'd, il refuse, lakin ala kulli hal, même s'il refuse, alhamdulillah, tu es ma'jour, tu es récompensé. Yann al-Nasiha, c'est une ibada. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il récompense al-Ab pour al-Ibada. قال لقد صدقت فيما قلت ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون ولي على هذا الرأي شبيبة مهذبون قد تعاقدت معهم على التمسك بالإلحاد واحتقار المستمسكين بدين رب العباد قد أخذنا نصيبا وافرا من اللذات واستحبنا ما تدعو واستبحنا نعم واستبحنا من ال quelque chose de مباح Ils ont rendu licite, iyadan billah. Ma tad'u ilayhi an-nufus min asnaf ash-shahawat, fa anna li bi muqata'ati ha'ula as-sadat al-ghurar. Malgré qu'il a accepté la nasiha pour l'instant, ou qu'il a sadaqt, il a reconnu que le kalam du nasih, celui qui le conseille, c'est haq. Lakin il reste des choses, ça nous montre que la nasiha, il y a des étapes. Peut-être qu'au départ, il va accepter ton kalam globalement, il va dire maintenant ton kalam, tayyib. Lakin, كذا وكذا وكذا ففي هذا الحال تبصيط تصبر معه. Si tu sens qu'il veut et il te demande, فالحمدلله في هذا الحال tu continues النصيحة. وهنا les choses, les obstacles qui restent entre la guidée et المنصوح, il les a cités هنا. ولكن لي على هذا المذهب أصحاب مثقفون. تقدم معنا في درس كشف الشبهات معنى الثقافة. وثقافون أي des personnes qui ont étudié, qui ont certaines connaissances, qui ont de la culture. وتقدم معنا أن هذا سنافع si c'est fondé sur التوحيد وعلم الكتاب والسنة. أما مجرد ثقافة qui est fondée sur قيل وقال et ils vont faire إلى آخره. Enfin, tout ça, c'est un ضرر et c'est une perte de temps. Et tu trouves كثير من هؤلاء المثقفين عياذا بالله كثير منهم يحاربون الدين لأنهم pensent qu'ils sont à la chie et qu'ils ont des connaissances et ils pensent que les choses tu les comprends avec la raison seulement et ربما يردون des hadiths, des ayats et tout ça en se basant sur la raison. فلا تغتر بهؤلاء. النافع c'est علم كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد تعاقدت معهم على التمسك بالإلحاد واحتقار المستمسكين بدين رب العالمين. هذا حال كثير من هؤلاء المثقفين. quand ils sont entre eux et ils se moquent de المستمسكين. ça vient de التمسك et ceux qui sont accrochés à leur دين. حقيقة ils se font du mal qu'à eux. لكن المنصوع الآن il demande au ناصح à celui qui le conseille j'ai lié j'ai fait des liens, on a tissé des liens plutôt avec Haoula, Al-Malahid Al-Kafar. Et il a passé du temps avec eux, il a des contacts avec eux, il a akhiré. Et il a pris du plaisir dans certaines choses, Iyadam Billah min al-Muharramat. Il demande comment faire l'un pour délaisser tout cela. قال وكيف لي بمبايناتهم المبايناء أي se séparer d'eux. وقد اتصلت بهم غاية الاتصال. Ça, ça nous montre أن les mauvaises fréquentations, c'est très très grave. فالحقيقة الآن, c'est un aveu de sa part أن il aime الحق. Il a accepté كلام الشيخ سعدي لأن il détesterait الحق. Il n'aurait même pas écouté كلام الناصح. Il n'aurait même pas écouté. بعضهم, tu veux lui parler du دين, il t'écoute pas. يبغضون الدين. هذا, ça montre أن il aime الدين. Et il sait que le كلام est الحق. لكن ce qui lui fait du mal, c'est ses fréquentations. Et ça arrive كثيرا. هؤلاء, on doit les aider. On doit faire nos efforts pour les aider. كم خاصة من الشباب, ils aiment الدين. لكن les fréquentations, ils ont beaucoup de mal à délaisser. Ils pensent que s'ils rentrent في دين الله ou يستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه il sera plus heureux. لأنه pour lui, il ne pourra plus faire de sport, il ne pourra plus fréquenter un tel, il ne pourra plus prendre ce plaisir haram, il a akhri. في هذا الحال, نحن on doit leur montrer دين الله الحق, sans faire de concession. كما يفعل بعض دعات الضلال. بعض الدعات الآن sur internet, ils se sont mis au niveau de ces jeunes. Et ils font comme عياذا بالله, لكن au nom du دين. Et ils leur montrent que telle chose c'est halal et ils ne veulent pas trop les froisser avec le haram. أما التوحيد والتحذير من الشرك هذا أولي أن هؤلاء c'est pas des دعات إلى التوحيد. المهم celui qui a la sunna il doit pas faire de concession لكن il y a une manière. Enfin, tu lui montres مثلا si il pense que إذا استقام أنه il pourra plus avoir ce plaisir مثلا de fréquenter des femmes إلى آخر, tu lui montres أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم nous autorise à le marier بل à nous marier avec plusieurs, jusqu'à quatre, walillahi alhamd. Enfin, l'islam, il ne nous interdit pas, lakin fil halal. Vous avez vu la façon, tu lui montres que c'est interdit, que ça lui fait du mal, et tu lui montres que fait dinillahi azza wa jal, khayr azim, limada li anna l'insan, il est attiré par ces choses. Enfin, tu lui montres, anta kadhalik, anna celui qui suit sunnah, qui étudie l'ilm kadhalik, il est attiré par ces choses, lakin fil halal. Wa illa fil haram, ça fait beaucoup de mal. À la kulli hal, les fréquentations, ça fait beaucoup de mal. Et haoula, en haqiqa, ils ont besoin d'être entourés, conseillés. On doit leur donner du temps. Et كثير منهم ولله الحمد يتوبون. يتوبون. Et tu lui montres que en période de difficulté, tous ces amis, toutes ces fréquentations, tu trouveras pas grand monde. Amma akhun fillah, khasatan, si tu es lié avec lui par l'ilm. علم القرآن والسنة. dans les moments de difficulté, بإذن الله عز وجل, tu le trouves. لماذا؟ لأن pour lui t'aider c'est une عبادة. contrairement aux anciennes fréquentations, il t'aide, c'est pour une مصلحة. le jour où il n'a pas besoin de toi, ربما les amis il y en a beaucoup. أما ton frère في دين الله, لا. والله كان في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. السني, celui qui suit السنة, خاصة s'il est على علم, il essaye d'appliquer ce genre de hadith. An Allah il aide l'abd tant que le serviteur il aide son frère. Enfin, oui, il t'aide, c'est fillah. Et tu lui montres tous les points profitables qu'il va gagner, walillahi alhamd, en rentrant fi dinillah. Wa a'zam dhalik, c'est Al-Jannah. Leur montrer à cette dunya, ça ne durera pas. على كل حال من جالس جانس والصاحب ساحب كما يقولون من جالس جانس من جالس ça vient de جلوس celui qui fréquente جانس le mot جنس أي celui qui fréquente il sera touché par ce sur quoi il est sa fréquentation المرء على دين خليله قال عليه الصلاة والسلام فمن جالس جانس فمن جالس المفسدون المجرمون الظالمون فهي سوغا توشي ومن جالس الأخيار إلى آخره سوغا توشي par le خير مثل جالس الصالح وجالس السوء كحامل المسك والنافخ الكير قال النبي صلى الله عليه وسلم c'est comme un vendeur de musc de parfum et نافخ الكير un forgeron الذي qui travaille dans le hadith النبي صلى الله عليه وسلم لست اسمي ثال وتقدم معنا والصاحب ساحب الصاحب c'est l'ami ساحب quelque chose يسحبك c'est il t'attire فالصاحب ساحب الصاحب il va t'emmener avec lui s'il est à la khir il va t'aider à faire du khir s'il est à la hachar il te conseillera pas si lui fait une faute il voudra que tu fasses la même si tu le dépasses ربما il t'envie وهكذا فعلى كل حال les fréquentations ça fait beaucoup de mal فلهذا vaut mieux avoir peu de fréquentation et bien être accompagné que avoir du monde autour de soi et fi ashidda et le moment venu quand tu as vraiment besoin tu verras qu'il n'y a pas grand monde et là si tu es entouré par des muwahhidoun mu'minoun salihoun falhamdulillah ils feront les efforts nécessaires قال فالآن يتنازعني داعيا أي Il conclut qu'annahu l'an, il lui demande la solution. Et il lui dit, il y a deux choses l'an qui me font du mal. Il y a deux choses plutôt qui l'attirent. L'annah, il va citer le haqq et le batil. Il dit, da'i l'haqq, ba'dma ba'na sabiluhu wa tabaha daliluhu. Il dit, al-mansour, celui qui est conseillé, l'an, je suis attiré par le haqq. Limadha l'annah, al-nasih, il lui a montré et il lui a clarifié. Il veut ce haqq. Délaisser les kuffars, il sait qu'ils sont à la char et revenir à l'islam, il sait que c'est du khayr. قال وداعي النفس والاتصال بهؤلاء الأصحاب المنافي للحق غاية المنافع. Et كذلك il est attiré par ses fréquentations. Il sait qu'il va passer du bon temps entre guillemets ma'ahum, certains plaisirs, certains muharramat. Il est entre les deux. Et هذا c'est حال كثير من الناس. Ils veulent le haqq, mais ils sont attirés par le char. فلهذا tu trouves le بعض أحيانا ils sont proches, ثم une fréquentation, ربما un coup de fil, et ils retournent dans les ma'asi. C'est pour ça que le hadith, الرجل الذي قتل 99 نفسا بل كمل بالعابد المئة Celui qui a tué 100 personnes. C'est pour ça que l'alim lui a fait une nasiha azim. Et fil haqiqa, ça concerne cette situation. Famada qala lah, indaman, mada qala lah. Celui qui a tué 99 personnes, il a demandé à qui il pouvait poser sa question, et ils lui ont dit, Fulan, Ibn Fulan, c'est un adorateur, il fait beaucoup d'ibada, il a akhiré. Il lui a demandé, est-ce que je peux faire tawba? J'ai tué 99 personnes, faqala lah. Ça montre un al-jahil, il se fait beaucoup de mal avec son ignorant. L'imada, il lui a dit là, alors que même s'il a tué 1000 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tawba ala man tab. Allah, il pardonne, si l'insan, il fait tawba. Lakin, à cause de son ignorance, malgré qu'il faisait beaucoup d'adoration, qala lah, qatala. Thumma, il a demandé à qui il peut poser sa question. Enfin, ils lui ont montré, ils l'ont dirigé plutôt, ils lui ont indiqué un Fulan ibn Fulan, c'est un savant, il a akhiré. Fasa'ala, est-ce que je peux faire tawbah? J'ai tué 100 personnes. Qala na'am. Il lui a dit na'am, il était à la ilm. Et il lui a indiqué une chose muhimma, et ça nous concerne huna. Indaman, tfaddal, na'am. أمره أن يترك بلده يترك قومه قوم سوء et ça c'est مهم il lui a indiqué il l'a conseillé délaisse ton peuple délaisse cet endroit لماذا لأن الإنسان si veut faire توبة et il reste au milieu de ses fréquentations, il connaît un tel, il connaît Fulan, il connaît Fulan, il est connu dans cette ville, dans ce quartier, avec les choses qu'il faisait avant. Enfin, si il fait توبة, il reste au milieu de هؤلاء, خاصة au départ, l'insan, il est fragile. Pas beaucoup d'ilm, il connaît pas son din, il connaît pas beaucoup de frères, ou si c'est une sœur, elle connaît pas beaucoup de sœurs. Enfin, ces fréquentations, elles auront encore de la place dans son cœur et dans sa vie de tous les jours. فَلِهَذَا الْعُلَمَا يَنْصَحُونَ أَنَّ celui qui fait tawbah, il est dans un mauvais endroit, et il est connu pour shor, et il veut avancer dans le khayr, أَنَّهُ il délaisse cet endroit. حَتَّى il va arriver dans un endroit où personne ne le connaissait avant, il sera connu directement bil khayr. Et il sera encadré par des gens bien, et inshallah, il avancera. Ça s'appelle al-hijra, fi sabilillah. Et délaisser un endroit mauvais pour un endroit, pour obéir Allah subhanahu wa ta'ala, lillah, azza wa jal. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala alayka bil hijra, fa innahu la mitla laha. Alayka bil hijra, fa innahu la mitla laha. Qalahu li abi Fatima radiyallahu anhu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, fais la hijra, il n'y a pas comme la hijra. Et fil khayr wal fadl. Khayr azim, fi al hijra. Fa ala kulli hal, les fréquentations, ça fait beaucoup de mal. Et Al-Mansouh, Al-An, il est entre le fait d'accepter et revenir au haq et de retourner vers ses fréquentations. Qala, na'am, on n'a pas fini. Qala, fa kayf at-tariq alladhi yurihuni wa yashfini wa man alladhi an hadha al-amr yaslini. Il demande au nasih une chose, une solution pour pouvoir choisir le bon côté et revenir à l'islam. فقال له صاحبه الناصح لم تعلم أن من أوجب الواجبات وأكبر فضائل الرجل اللبيب أن يتبع الحق الذي تبين له ويدع ما هو فيه من الباطل وخصوصا عند المنازعات النفسية والأغراض الدنيوية وأن الموفق إذا وقع في المهالك طلب الوسيلة إلى تحصيل الأسباب المنجية. Awalan, il commence par ce premier point, annahu, s'il veut le khayr, fait qu'il accepte le haq. Limadha li anna al-mansouh, dans le tars précédent, le cours qu'on a lu, il lui a montré le haq. Et ouais, il a accepté. Qala as-sadaqt. Il a accepté, il a reconnu que c'était vrai. Donc, huna an-nasih, il lui dit, fais applique. Tu as reconnu. Et tu sais que les autres, c'est des mauvaises fréquentations. Fais applique. Ça nous montre, anna celui qui veut la guider doit faire des efforts. Nasih, ouais, il te montre, c'est comme s'il te donnait une clé. C'est à toi de faire l'effort, ouvrir la porte et avancer. Là, à bout d'un effort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour qu'on fasse ces efforts. Enfin, al-jannah, c'est une récompense à vie, mais il faut faire des efforts. Huffat al-jannah bil makarih, qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-jannah, elle est entourée de makarih, il y a des choses que notre nefs, elle déteste. Il faut faire des efforts, il faut se lever tôt, il faut faire salat, il faut faire le hajj, il faut faire siyam, il faut délaisser ce haram. Al-Jannah, il faut un effort. Al-Haram, c'est l'inverse. Al-Nar. Huffat al-Nar bi-shahawat. Que les choses que le nefs aime bien. Iyadam billah. Les plaisirs fil haram, il a agri. C'est très simple à faire. Mathalan, wahed qui veut faire du haram, c'est très très simple. Amma wahed qui veut faire du khayr. Il veut aider les autres, il veut aider un orphelin, il veut apprendre le Coran, il veut faire des efforts fil ilm. Ça demande des efforts. Huna an-nasih, il lui montre anna fait des efforts. Et on rajoute huna anna al-insan yad'u Allah. Lianna qawlahu wa anna al-muwaffaq idha waqa'a fil mahalik talab al-wasilata ila tahsil al-asbab al-munjia. Celui al-muwaffaq, celui qui est à la khayr, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui facilite. Et كذلك, comme a dit le Cheikh Saadi, il fait des efforts pour chercher la solution. Et parmi la solution, on a dit les bonnes fréquentations. Al-ilm. Et tout ça, c'est fondé sur al-tawfiq. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan, ce qu'il fait, c'est des causes. Les efforts qu'on a cités, ça reste des causes. Wa illa, c'est Allah qui guide. الإنسان يكثر من الدعاء الدعاء فيها خير عظيم قال أما علمت أن من نعمة الله على العبد أن يقيد له الناصحين الذين يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويسعون في سعادته وفلاحه. صحيح. تصبح النعمة من نعم الله عز وجل. من نعمة الله على العبد أن يقيد له الناصحين. Si واحد te conseille, laisse pas الشيطان te faire croire أنه te fait perdre ton temps. Laisse pas الشيطان te faire croire أنه il est lourd. أنه pourquoi il te suit. بعضهم ils sont devenus parano, عيادا بالله. كأن celui qui le conseille أنه il le suit, أنه عيادا بالله. Il te veut ton bien, هو. أما qu'est-ce qu'il va perdre si tu t'égares? Qu'est-ce qu'il va perdre? Il va rien perdre, هو. Ouais, il veut ton bien. Et le fait de te montrer un adr azim. فالحقيقة, celui qui est conseillé, فليحمد الله. Combien de personnes ils sont في ظلال وظلام, et probablement personne les conseille. Ils vivent qu'avec des ashrar. Dans des endroits, في بلاد الكفر مثلا, il n'y a pas de musulmans. Ils sont contre eux, عياذا بالله, كالبهائم. فالسلوي كي يكونسيي سي اون نعمة عظيمة. Au contraire, normalement, on doit être reconnaissant envers Allah ثم envers ce عبد. أنه il veut ton bien. Et في الحقيقة, si واحد il nous montre des choses في الدنيا, مثلا si واحد il te montre une façon de gagner plus d'argent, tu vas être reconnaissant et tu vas être content. On va jamais dire رياد الحل لا, ne me fais pas perdre mon temps avec cet argent. Peut-être لماذا لأن c'est الدنيا. أما celui qui te montre ينصحك فيما يتعلق بدين الله عز وجل, c'est أعظم. L'argent, ça vient, ça part, سهل. بل, ça peut être un grand mal. أما il te montre, ربما il va te montrer que telle chose c'est haram, tu vas la délaisser, c'est une ni'ma. Peut-être qu'il va te montrer telle chose. Il y a beaucoup de hasanat, مثلا, un dua, un dhikr. Peut-être qu'un tas, tu vas apprendre cette chose et ça va être la cause que tu sois sauvé يوم القيامة. النصحون, on doit leur donner de l'importance et on doit leur reconnaître leurs efforts et leur haq. خاصةً أهل العلم. Et قبل ذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال يرشدونه إلى الخير ويأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر. Ça nous montre أن الناصح il fait les deux. Pas comme les imams الآن de la République ou la الضلال, أنهم ils accentuent que sur le معروف. Il faut avoir un bon comportement, il faut être souriant, il a akhir. Aïna al-nahi ani al-munkar. Même fil ma'rouf, ils ont un taqsir. Aïna al-amr bi tawhid illahi azza wa jal, wa bil hijra, wa bil ilm ila akhir. Là, eux, ils disent des choses où personne ne pourra les contredire. Hatta al-kafir. Wallahi, ba'd al-kuffar, s'ils écoutent des doros de ha'oula, et ça arrive. Ba'dhom, ils nous ont informé, anna ba'd al-kuffar, quand ha'oula, ils postent une chose, ils laissent des commentaires, anna. أن هؤلاء regardez, ils appellent à des choses bien. Le kafir, il est d'accord. لكن appelle au tawhid, mais en garde contre le shirk. Appelle à l'iman, mais en garde contre le kufr. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, et tu verras. Tu verras si le kafir يثني عليك. أبداً. إلا si c'est un kafir, ربما son cœur il commence à s'ouvrir, à la guider, et après il accepte. وإلا la grande majorité يحاربونك. قال ويسعون في سعادته وفلاحه. C'est ça leur but. فلهذا هؤلاء في الحقيقة doivent être remerciés. قال ثم من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم ولا يتشبه بمن قال الله فيهم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم, من تمام هذه النعمة أن يوفق لطاعتهم, أي il écoute le conseil. Si il écoute le conseil, il accepte, il le met en application. Et نبه الناصح, on fait attention de ne pas faire partie de هؤلاء qui ont dit ولكن لا تحبون أو الذين أقصد qui sont visés par ce verset ولكن لا تحبون الناصحين, أي أنهم ils n'aimaient pas الناصحون. الأنبياء والرسل, quand ils conseillaient leur peuple, كثير منهم ils acceptaient pas. لماذا؟ لأنهم ils n'aimaient pas النصح. Et la nature de l'insan, elle est hakada. C'est pour ça qu'il faut faire un jihad nafs fi hada. L'insan, il n'aime pas être remis en question. Il n'aime pas être corrigé. Kathir, min al-nas. Hada, c'est un travail à faire. Enfin, si tu sais que l'insan, il veut ton bien, awwalan, et tu sais que c'est pour ton bien, thaniyan, et alhamdulillah, ton but, c'est l'akhira, thalithan, là, chaque, ça va t'aider. Ça va devenir comme toi, comme si un wahid, il vient, il te passe de l'argent. En général, l'insan, il accepte. Bon, après, il lui fait une sadaqa, il veut soukhir, ou il lui fait un cadeau. Ça va être la même chose. Celui qui te fait nasiha, c'est comme si tu emmenais un cadeau. Lakin, pour atteindre ce niveau, il faut faire des efforts. Et nous, là, chaque, on a du dha'f, lakin, نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال ثم اعلم أنه ربما كان الإنسان إذا ذاق مذهب المنحرفين وشاهد ما فيه من الغي والضلال ثم تراجع إلى الحق الذي هو حبيب القلوب كان أعظم لوقعه وأكبر لنفعه. وهذا نعم تعريف كثير من الناس يكون الباطل يكون الكفر يكون الشرك يكون لوغ باسي ثم يغنط في الإسلام فتجد وعظهم أنهم في الاستقامة ربما يسون أقوى. Pourquoi? لأنهم ils ont connu la gravité. Ils ont vécu le danger. Et ils reconnaissent la ni'ma. فلهذا ils s'accrochent كثيرا. فهذه النصيحة طيبة. أي il le motive الآن. أن أنت ce que tu as vécu comme شر et cette croyance عياد بالله qui a failli être la cause de sa perte, qu'Anna al-Nasih lui montre, Anna, tu dois prendre des leçons. Enfin, la gravité que tu as vu, le danger que tu as vécu, al-an istaqim, inshallah, ça va te servir. Et ça, ça nous montre, Anna, na'am, l'insan qui lui est arrivé des choses, l'akhira, ça doit être des douros pour lui. Amma se lamenter, l'akhira, il n'y a aucune faïda. At-tawba, les regrets, thumma, on avance. Et si on peut se servir du passé, prendre des leçons, pour avancer dans notre din, falhamdulillah. Qala, farji ila al-haq, sadiqan, wa thiq biwa'dillah, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Kalam mukhtasar jamil. Farji ila al-haq, c'est un amr, un ordre. Reviens au haq. Et il lui montre, fil haqiqa, t'as pas le choix. Cette patience qu'il a ma'ah, et il lui montre, c'est pour l'aider. Wa hakada al-nasih. On est là pour aider. Le résumé de tout ça, c'est revient au haq, akhi. C'est pour toi. Et si tu te laisses ce haq, tu fais du mal qu'à toi. Le haq, il sera toujours présent. Fardi ila al-haq sadiqan. Bien sûr, c'est pas pour les gens, ils disent. Ou pas pour quelque chose de dunya. Ou pas par peur des anciennes fréquentations. Là, sadiqan lillah. Wa thiq bi wa'dillah. Et ça, c'est très très important. A thiqa bi wa'dillah. Et sache que ce que Allah il a promis pour les croyants, c'est haq. N'ai aucun doute. Lakin hadi thiqa, pour l'avoir, il faut faire des efforts fil ilm. Il faut demander à Allah Azza wa Jalla. Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître ses noms, connaître ses attributs. Fal insan, si il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, haq al-ma'rifa, ça va lui augmenter hadi thiqa. Et son iman, il va augmenter. Et il aura plus peur. Fala takhafuhum wa khafuni. Il aura plus peur des gens. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq. Et ce qu'il a promis, c'est le haq. Il fera les efforts et alhamdulillah, il patientera. Kathiran, naktafi bi hada ad-dars, walhamdulillahi rabbil alamin.